J'en ai aucune idée. Où est-ce qu'il fait de la colle peut-être? Cool. On en fait du crack, c'est vachement cool.

Thank you.